الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله إن شاء الله سوف ننتهي قريبا من رسالة الشيخ عبد المحسن الذي نحن في صددها وإن أحببتم نقرأ بعد ذلك شيئا يسيرا في سيرة العلامة الإمام محمد بن صالح العثيمين. فهناك رسالة كذلك هناك رسالة أخذناها في المملكة إن شاء الله يكون كذلك إن شاء الله. En ce qui concerne notre lecture du Dhahr, on va bientôt terminer la Risala, le court fascicule de Cheikh Abdel Mohsin. Et Inch'Allah, si vous voulez, après cette lecture, on pourra lire dans une autre Risala qui résume la biographie du noble savant Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen. طيب على كل حال يقول الشيخ عليه رحمة الله ونؤمن بثبوت كل ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام من الأسماء والصفات لكننا نتبرأ من محذورين عظيمين. Ensuite, le cheikh il poursuit. Son argumentation en ce qui concerne les points qui nous est impératif ou auxquels il nous est obligatoire de croire. Et il dit, nous croyons à toutes les informations qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait parvenir au sujet de lui-même. Tout ce qu'il a affirmé au sujet de lui-même, nous l'affirmons. Et tout ce que le prophète alayhi salatu wa salam a affirmé au sujet d'Allah azza wa jal, nous y croyons et nous l'affirmons. Parmi les noms dont nous avons eu information, ainsi que les attributs. Cependant, malgré que nous croyons en cela, on se doit de se désavouer de deux choses blâmables. نتبرأ من محذورين اثنين هما التمثيل والتكييف. التمثيل والتكييف. On doit désavouer, malgré que nous croyons au nom qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est attribué à lui-même et aux attributs auxquels il nous a informés, on se doit de se désavouer de commettre ou de tomber dans toute forme de comparaison lorsque nous rentrons dans ce chapitre. Les noms et les attributs d'Allah, on ne doit pas comparer une chose parmi ces choses avec les noms et les attributs des créatures. وَالْتَمْثِيلُ أَنْ يَقُولَ بِقَلْبِهِ أَوْ لِسَانِهِ Sifatullah ta'ala ka sifatil makhlouqin. Et le tamthil, en quoi ça... Qu'est-ce que ça implique? Ça implique que la personne dise par son cœur ou par sa langue que les attributs d'Allah sont comme les attributs des créatures. وهذا ما حكمه يا اخوان عليه من يقول صفة الله كصفة المخلوق و وماذا ويقوم بالشهادتين ويصلي ويصوم ويحج وربما يجاهد و الى اخره اخر باب العبادة هو فيه شجعان لكن في قلبه هذا النوع من الاعتقاد ها كافر نعم هذا باب ما هناك ما يقبل المزاح فيه باب الأسماء والصفات الإنكار فيه باب خطير donc celui le jugement d'une personne qui prétend que les attributs d'Allah sont comparables aux attributs des créatures, son jugement est qu'il a certes apostasie. Il est sorti de l'islam. Même si il dit « La ilaha illallah, Muhammad Rasulallah, yusalli », même s'il prie, même s'il jeûne le mois de Ramadan, même s'il jeûne sur le gâteau, même s'il prie la nuit, même s'il combat fi sabilillah, même s'il fait le hajj, du moment que lui, il compare les attributs d'Allah avec les attributs des créatures, alors là, il a certes délaissé la religion sur laquelle le prophète alayhi salatu wasalam était. Wattakif. Donc on se doit de ne pas comparer Allah azza wa jal ou ses attributs ainsi que ses noms avec ceux des créatures. Tamam. والتكييف أن يقول بقلبه أو لسانه كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا. Et en ce qui concerne une autre forme de comparaison qu'on appelle le takif, ça implique que la personne dise avec son cœur ou avec sa langue ou plutôt s'imagine. Il s'imagine le comment des attributs d'Allah Azza wa Jal. Il s'imagine le comment des attributs d'Allah Azza wa Jal. Et il dit l'attribut d'Allah, par exemple la main, elle est comme ceci ou comme cela. Tamam. Là, il ne compare pas avec autre chose. Là, il ne dit pas l'attribut de la main est comme la main de telle ou telle chose. Là, lui, il dit la main d'Allah est comme ceci ou comme cela. Tamam. La main d'Allah est comme ceci ou comme cela. Wada ma ma hukmo. Wada ma hukmo yalay. نفس الحكم لأنه ماذا تكلم تكلم بالغيب تكلم وادعى الغيب وادعى الغيب كفر يعني علم الغيب كفر pourquoi parce qu'il a parlé sur une chose de l'invisible et le fait de prétendre à la connaissance de l'invisible c'est purement et simplement de la mécréance sans compter que cela sous-entend un aqs qu'il qualifie Allah Azza wa Jal par يعني un qualificatif qui indique un manquement. والله سبحانه وتعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Personne ne peut ou personne n'a le droit de s'imaginer le comment d'Allah Azza wa Jal. ونؤمن بانتفاء كل ما نفى كل ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله عليه الصلاة والسلام وأن ذلك النفي يتضمن إثباتا لكمال ضده ونسكت عما سكت الله عنه ورسوله. كلام جميل. Et ensuite il nous dit, et on doit avoir la ferme conviction que tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a réfuté en ce qui le concerne, on se doit de croire en ce refus. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, il a réfuté qu'il soit pris par une quelconque somnolence ou le sommeil. On se doit de surcroît de réfuter la somnolence et le sommeil vis-à-vis de lui. Donc toute chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a réfutée, on se doit de l'affirmer et de le réfuter comme il l'a réfuté. Mais cependant, on se doit d'avoir la conviction que ce refus implique son contraire. Par exemple, on dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne meurt pas, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a réfuté cet attribut sur lui-même. Donc on dit qu'il ne meurt pas, mais on doit avoir la certitude du contraire, qu'il possède la vie la plus parfaite. Tamam ? Qu'il possède la vie la plus parfaite. Pareil, on doit réfuter le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit injuste. Donc on le réfute, mais en affirmant le contraire. Qui est, mana, le contraire de l'injustice, et quoi ? La justice, l'équité. Non. فَهَذَا هُوَ مُعْتَقَدْ أَهْلِ السُنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ وَنَرَى أَنَّ السَّيْرَ ونرى أن السير على هذا الطريق فرض لا بد منه وذلك لأن ما أثبته الله لنفسه أو نفاه عنها سبحانه وتعالى فهو خبر أخبر الله به عن نفسه وهو سبحانه أعلم بنفسه وأصدق قيلا وأحسن حديثا والعباد لا يحيطون به علما. Donc Cheikh Al-Uthaymeen, il te dit, en guise de conclusion sur ce chapitre magnifique qui concerne la croyance aux attributs d'Allah Azza wa Jalla ainsi qu'en ses noms, il te dit que ce qui vient précédemment d'être cité n'est autre que le chemin obligatoire. Il n'y a pas d'autre tariq, il n'y a pas d'autre chemin à suivre en ce qui concerne la croyance en Allah Azza wa Jal. C'est le chemin obligatoire. Et ceci parce que Allah subhanahu wa ta'ala a lui-même affirmé ces informations en ce qui le concerne. Et donc celui qui vient avec l'information est plus à même de connaître cette information. Donc Allah subhanahu wa ta'ala est plus connaisseur de lui-même que n'importe quel autre. وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام أو نفاه عنه فهو خبر أخبر به عنه وهو أعلم الناس بربه وأنصح الخلق وأصدقهم وأفصحهم. وكذلك les informations qui nous viennent du prophète عليه الصلاة والسلام, on se doit les affirmer. Si il affirme un attribut ou un des noms d'Allah عز وجل, on l'affirme comme le prophète عليه الصلاة والسلام nous l'a affirmé. Et s'il le réfute, on le réfute comme le prophète alayhi salatu wasalam l'a réfuté. فَفِي كَلَامِ اللَّهِ تَعَالَى وَرَسُولِهِ عَلَيْهِ السَّلَاتُ وَالسَّلَامُ كَمَالُ الْعِلْمِ وَالصِّدْقِ وَالْبَيَانِ فَلَا عُذْرَ فِي رَدِّهِ أَوْ تَرَدُّدْ فِي قَبُولِهِ. نعم. فَكُلُّ قَوْلٍ يقبل أو يرد إلا ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام بطريقة صحيحة. نعم. Donc toute parole qui nous provient, toute parole qui nous vient, on peut soit l'accepter, on a le choix, soit de l'accepter, soit de la refuser. À l'exception de tout ce qui nous vient d'Allah Azza wa Jal, fil Qur'an, ou de ce qui nous vient de la sunna sahiha du prophète alayhi salatu wa salam. Ces informations qui proviennent de ces deux sources, celles-là, on n'a pas de choix autre que de les accepter. Donc tout ce qui nous vient d'Allah Azza wa Jal et de son prophète en ce qui concerne le chapitre des noms et des attributs, on se doit de l'accepter et de le prendre comme Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'ont enseigné. ثم قال وكل ما ذكرناه من صفات الله تعالى تفصيلا أو إجمالا إثباتا أو نفيا فإننا في ذلك على كتاب أو على كتاب ربنا وسنة نبينا معتمدون وعلى ما سار عليه سلف الأمة وأئمة الهدى من بعدهم سائرون. Ensuite, Cheikh Al-Uthaymeen te dit que tout ce qu'on a évoqué précédemment comme attribut, d'une manière détaillée ou d'une manière abstraite ou globale, les attributs qu'on a affirmés ou les attributs qu'on a réfutés, on s'appuie en cela sur le livre d'Allah et sur la sunna du prophète alayhi salatu wasalam, et sur le chemin qu'ont pris les pieux prédécesseurs. وهذا كذلك يا إخوان في باب المعتقد وباب العبادة لا بد أن نكون على هذه الأشياء الثلاث: كتاب وسنة وفهم صحيح وهو فهم سلف الأمة. مثلا كيف نعلم أن الكرسي غير العرش؟ ما الكرسي؟ ما هو الكرسي يا محمد؟ ما هو العرش؟ شيء، والكرسي شيء آخر. لكن لو نبقى على كتاب والسنة فحسب، ربما ما نقدر على الاطلاع على مثل ذلك، ما هو الكرسي، لأنه ما جاء في القرآن تفسيره ولا في السنة الصحيحة تفسيره، وإنما جاء تفسيره عن بعض السلف. ولما نقول السلف، من أئمتهم؟ الصحابة. وفي موضعنا هذا، من الإمام الذي فسر وبين لنا ما مراد بالكرسي؟ عبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس فقال الكرسي الغبوزبي موضع القدمين. الكرسي c'est le repose-pied. T'as vu, ça c'est une compréhension. Parce qu'un كرسي en arabe, يعني c'est pas forcément dit que c'est le repose-pied. فهمتم؟ فنحن نمشي على هذا كتاب سنة فهم السلف. فهم السلف. نعم. قال ونرى وجوب إجراء نصوص الكتاب والسنة في ذلك على ظاهرها وحملها على حقيقتها اللائقة به أو اللائقة بالله عز وجل. Et pareil, c'est un autre point très important. Tout ce qu'on a comme ahadith ou comme ayat dans ce chapitre, les noms et les attributs d'Allah Azzawajal, en général, on les prend dans leur sens apparent. En général, on les prend dans leur sens apparent. Sauf si, Mada, il y a un dalil qui nous montre clairement que ce n'est pas le sens apparent du texte qui est visé. Tamam. Mais, en général, ce qui concerne les noms et les attributs d'Allah, Azza wa Jal, on les prend dans leur sens apparent. Inna Allah la yamil hatta tamillu. Al-hadith hada sahih ou la la? Ya alay. Allahu a'lam. Allah subhanahu wa ta'ala ne se lasse pas jusqu'à ce que vous vous lassiez. C'est un hadith sahih? Moussa. Allahu a'lam. عثمان خارج القوم ها حديث صحيح الله ne se lasse pas jusqu'à ce que vous vous lassiez. On a vu que c'était صحيح. احسنت لله يضر. حديث صحيح. حديث صحيح. طيب وماذا تفهم من من الحديث؟ الله سبحانه وتعالى où le prophète Azim nous informe qu'Allah ne se lasse pas jusqu'à ce que vous vous lassiez. Qu'est-ce que tu comprends du hadith? Est-ce qu'on peut attribuer l'attribut de la lassitude à Allah Azzawajal? En fait, c'est comme le marque, en fait, selon... C'est bil muqabala. طيب. لكن تثبته في بعد الشيء. Hein? Tu l'affirmes quand même dans un certain contexte. Hakada? Hein? Est-ce que tu dis Allah se lasse une fois que la créature se lasse? Mais sinon, il ne se lasse pas. Ah, Mohamed. Naam. Ba'dayn al-kayfiya la yan'al. Al-mas'ala kama marad bina. فيها خلاف فيها خلاف وبعض الأئمة أثبتوا صفة الملل لله عز وجل. Certains savants ont affirmé l'attribut de la lassitude à Allah عز وجل. Et d'autres ont dit non. Le but visé de ce hadith est en fait est le contraire. Allah subhanahu wa ta'ala veut nous expliquer qu'il ne se lassera jamais, ou qu'il ne se lasse pas. Mais Cheikh Al-Uthaymeen, lorsqu'on est passé sur cette chose-là, il évoque une chose très importante. Et il dit quoi? Il dit, Tayyib, à la farde que le hadith il est sahih, donc le hadith il est sahih, maintenant, lui, il est dans un doute sur le fait d'affirmer l'attribut. Il est dans un doute sur le fait d'affirmer l'attribut. Mais ensuite, il te dit, cependant, si le hadith, il est authentique, et que, Mada, il n'y a pas de dalil qui viendrait forcément le contredire, alors il n'y a pas de mal à ce que on le laisse dans son sens apparent, sans jamais... Lui accorder une quelconque interprétation. Donc lui, il n'a pas pris de risque. Il dit non, moi je m'avance pas dans ce chapitre-là. Mais s'il fallait s'avancer, alors il n'y a aucun mal à laisser le hadith dans son sens apparent. Tamam. Wa shaykhuna Yahya yara anna hadha laysa min sifatillah azza wa jalla. Cheikhuna Yahya, il voit que c'est fait le malade. C'est pas un des attributs d'Allah Azzawajal. Au contraire, c'est un attribut silbiya qu'on doit lui réfuter. En fait, moi je vous ai évoqué cela juste pour vous faire comprendre que fil aqida ou fil hadha al bab khassatan, même si on peut voir des ahadith ou des versets qui nous sur le coup qui nous étonnent. Par exemple, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala rigole, yadhak, ou le fait qu'il ait un pied, ça peut étonner certaines personnes et ça peut les amener à tout de suite interpréter. Or non, nous on se doit de laisser le sens apparent comme il est, et tout en disant ce qu'a rajouté Mohammed, Amal kef la na'lamu, le comment, ça on ne sait pas. On affirme que Allah il possède telle et telle sifat, mais le comment, ça on ne doit pas rentrer dedans. إن الله فرض فرائض فلا إيش فلا تضيعوها. من حفظ الأربعين النووية؟ ها يسير أتو طيب إسماعيل طيب. إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها. الله سبحانه وتعالى a rendu obligatoire certaines obligations, ne les perdez pas. Wa harrama ashya'a fala tantahikuha fala tantahikuha, il a rendu sacré, c'est-à-dire interdit, il a rendu sacré, c'est-à-dire interdite certaines choses, alors ne les transgressez pas. Wa sakata an madha وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. Et il s'est tu sur certaines choses. Il s'est tu sur certaines choses par miséricorde de sa part. Alors n'allez pas chercher sur ces choses. فنحن في باب الصفات مكتفين بما جاء في الكتاب والسنة وعلى فهم السلف. قال ونتبرأ من طريقة أو من طريق المحرفين لهذا الذين أو طيب ونتبرأ من طريق المحرفين لها الذين صرفوها إلى غير ما أراد الله إلى غير ما أراد الله بها ورسوله. Et on se désavoue du chemin qu'ont emprunté les sectes qui se sont efforcés d'interpréter les textes concernant les noms et les attributs d'Allah عز وجل. ومن طريق المعطلين لها الذين عطلوها عن مدلولها الذي أراده الله ورسوله. Et on se désavoue aussi du chemin qu'ont emprunté les mu'attila, c'est-à-dire ceux qui ont, eux ils n'interprètent plus, mais carrément ils amputent, c'est-à-dire que ils réfutent tout attribut d'Allah Azza wa Jal. مثلا تذكر له اليد يقول لا لا ليس هناك يد انما هذا القوه او الرحمه او شيء من ذلك. اما اليد ما في. العين كذلك. ماذا السمع البصر كذلك. Donc eux ils réfutent, ils amputent à Allah ses noms et ses attributs. Par exemple, on leur dit la main d'Allah, eux ils disent non, ça n'existe, yani, il n'y a pas la main d'Allah. Les versets évoquent ou ont pour but la miséricorde ou la force d'Allah عز وجل. طيب. ومن طريق الغالين فيها الذين حملوها على التمثيل أو تكلفوا لمدلولها التكييف ونعلم علم اليقين أن ما جاء في الكتاب أو في كتاب الله أو سنة نبيه عليه الصلاة والسلام فهو حق لا يناقض بعضه بعضا لقوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Et il te dit, Cheikh Al-Uthaymeen, qu'on a également la ferme croyance que tout ce qui nous vient du Coran et de la Sunna sont une vérité. Une vérité qui ne peut être en contradiction l'un envers l'autre. C'est-à-dire le Coran ne peut pas contredire la Sunna ne peut pas contredire le Coran. Tamam ? Même si des fois on peut trouver des contradictions apparente. Lorsque on retourne aux paroles des savants, on voit qu'ils ont réussi à regrouper entre le verset et le hadith, ou entre les hadithain, entre deux hadiths, ou entre deux versets. Na'am. ولأن التناقض, et Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, dans surat Nisa, il dit, selon une traduction approximative, ne médite donc pas. Ne médite-t-il donc pas, ah, c'est dur, hein. Ne médite-t-il donc pas sur le Coran? Et car certes, si le Coran venait d'un autre qu'Allah, alors ils y auraient trouvé en son sein énormément de contradictions. Et c'est pourquoi il y a Al-Quran, Al-Torah, Al-Injil, Al-Zabur, Al-Kullah. الكتب السماوية التي حرفت بعد تجد فيها تناقضات كثيرة. Et c'est pourquoi les autres livres célestes qu'Allah n'a pas protégé, comme la Torah, l'Évangile, Mada, les Psaumes ou autres, des livres qui ont été modifiés par la main de l'homme, tu vas trouver dans ces livres énormément de contradictions. D'ailleurs, le livre qu'ils appellent la Bible, il y a combien d'éditions de ce livre-là différentes? Il y en a au moins une centaine. Et il a yomina hada ma yafhamun an hada dalal. La Bible de Paul, la Bible de Jean, la Bible de Matthieu. Kul wahid ja bi kalama. Wallah al-musta'an. Tayyib. Tayyib. Wa li anna at-tanaqud fi al-akhbar yastalzimu at-takdhib ba'daha ba'dan wa hadha muhal fi khabar Allah ta'ala wa rasulih alayhi salatu wa salam. Donc, parce qu'il faut savoir que les contradictions dans n'importe quel type d'information, ça sous-entend une forme de démenti, une forme de démenti entre elles, c'est-à-dire entre ces informations. Et ceci est impossible en ce qui concerne l'information qui vient d'Allah et de son messager. ومن ادعى ان في كتاب الله تعالى او في سنه رسوله عليه الصلاه والسلام او بينهما تناقضا فذلك لسوء قصده وزيغ قلبه فليتوب الى الله عز وجل ولينزع عن غيه. Et celui qui prétend qu'il y a des contradictions dans le livre d'Allah, alors cela est dû à sa mauvaise volonté. Et cela est dû à sa mauvaise volonté et au mauvais penchant de son cœur. Alors celui-là, on l'appelle à faire tauba, à se repentir à Allah Azza wa Jal et à délaisser son égarement. وَمَنْ تَوَهَّمَا التَّنَاقُضُ في كتاب الله تعالى أو في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام أو بينهما فذلك إما لقلة علمه أو قصور فهمه أو تقصيره في التدبر. Et celui qui pense avoir, ou qui a eu l'impression qu'il y avait une contradiction entre les informations d'Allah Azza wa Jal et son messager, alors cela est dû, en ce qui le concerne, soit par un manque de science, soit par un manque de compréhension, soit par un manque de méditation. فليبحث عن العلم وليجتهد في التدبر حتى يتبين له الحق. Donc celui-là, on lui conseillera de rechercher la science et de rivaliser d'efforts dans la méditation jusqu'à ce que la vérité lui vienne. فإن لم يتبين له فليكل الأمر إلى عالمه فليكل الأمر إلى عالمه وليكف عن توهمه. Et donc, si cela ne lui vient pas clairement, après qu'il ait cherché la science, après qu'il ait recherché la compréhension et qu'il ait essayé de méditer, si cela ne lui vient toujours pas, alors qu'il se repose sur l'avis de son savant, sur l'avis de son cheikh, et qu'il délaisse التوهم c'est pas l'imagination qu'il délaisse son توهم يا سليم déjà sans même le dire là ça va me hein entrepôt ouais ouais voilà c'est une illusion c'est plus une illusion qu'une supposition supposition on va dire tamam. Donc il délaisse sa supposition wal yaqul kama yaqulu ar-rasikhun fil ilmi amanna bihi kullun min 'indi rabbina wal ya'lam anna al-kitaba wa sunnata la tunaqid fi aw la tanaqud فيهما ولا بينهما ولا اختلاف. Donc lui, il délaisse ses mauvaises suppositions et il dit la même parole qu'ont dit les savants ancrés dans la science, ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ceux dont Allah a fait l'éloge dans surat Al-Imran en rapportant leurs paroles lorsqu'ils ont dit كل من عند ربنا آمنا به كل آمنا به ماذا آمنا به كل من عند ربنا آمنا به كل من عند ربنا. Ça c'est la parole à dire, يا إخوان, عندما يشكل علينا, lorsque on se retrouve face à un attribut d'Allah عز وجل qui nous pose problème, si on n'arrive pas à atteindre la bonne compréhension, alors là, on dit comme on dit ces gens pieux, cela vient d'Allah, on y croit, cela vient d'Allah, et on y croit fermement. Et on laisse le l'approfondissement dans ce genre de points. كلام لذيذ جدا مثل العسل كلام العثيمين سبحان الله ومن فضائله شيخ العثيمين وإن كانت هذه رسالة مكتوبة من خاصته أنه كان إذا تكلم من جودة كلامه أنه كان يعني إذا تكلم فكأنه يكتب كل شيء مرتب. شيخ العثيمين parmi les spécificités, les caractéristiques qu'il avait et avec lesquels il se différenciait de bon nombre de savants de son époque, c'est que lui, quand il parlait, quand il s'exprimait, c'était d'une éloquence incroyable. Et en plus, ses paroles étaient, en général, elles sont toujours bien organisées. On croirait que quand il parle, il fait un dialogue ou un discours ou une khutbah, c'est comme s'il écrivait un livre. Tellement c'est bien organisé. Alors là, si lui-même il a écrit ces paroles-là, vous voyez la puissance de son éloquence et la douceur de ses paroles. Voilà, quand tu lis ce genre de paroles, yani, tu prends vraiment du plaisir. نعم ونكتفي بهذا القدر وإن شاء الله غدا نخوض في باب الملائكة كتاب